Unité 4, phonétique. Exercice B. Pierre dort beaucoup. Et toi, tu dors beaucoup? Moi, oui, je dors beaucoup. Et mes frères dorment beaucoup.